Allez, notre second artiste est Taïro, un chanteur que j'adore, et il va chanter Ainsi soit-il, vous allez voir, c'est une dinguerie. Je pars pour mille et une raisons, là où je vivrai toutes les saisons. Ce soir j'abandonne ma maison, j'irai m'allonger sous le buisson. Je quitte ma ville pour retrouver mon coin près du ruisseau, suivre son fil, et j'ai apaisé par le chant des oiseaux. Enfin tranquille, tranquille, où la nature écrit au pinceau. Je quitte ma ville en sachant que je vous reverrai bientôt. Mon passage ici fut tellement rempli, autant de belles histoires que de bons amis. Une famille qui m'aimait, que j'aimais aussi, quelques jolies femmes et surtout celles de ma vie. La musique m'a comblé, j'ai même joué à Bercy, contempler les paysages de si beaux pays. Ce soir toutes ces images défilent au ralenti, voilà pourquoi j'ai juste envie de dire merci. Je pars pour mille et une raisons, là où je vivrai toutes les saisons. Ce soir j'abandonne ma maison, j'irai m'allonger sous le buisson. Je quitte ma ville pour retrouver mon coin près du ruisseau, suivre son fil, et j'ai apaisé par le chant des oiseaux. Enfin tranquille, tranquille, où la nature écrit au pinceau. Je quitte ma ville en sachant que je vous reverrai bientôt. Allez souriez vous qui étiez si beau, faites mes amitiés aux collègues du boulot. Trinquez à ma santé et buvez au goulot, je serai à côté juste au pied du boulot. En liberté à l'abri des salauds, alors évitez trop de méli-mélo. Imaginez-moi sous le soleil d'un îlot, vous me manquerez mais là je file en solo. Je pars pour mille et une raisons, là où je vivrai toutes les saisons. Ce soir j'abandonne ma maison, j'irai m'allonger sous le buisson. Je quitte ma ville pour retrouver mon coin près du ruisseau, suivre son fil, et j'ai apaisé par le chant des oiseaux. Enfin tranquille, tranquille, où la nature écrit au pinceau. Je quitte ma ville en sachant que je vous reverrai bientôt. Mettez de la musique, vos plus belles tuniques, versez quelques larmes et pas de discours pathétiques. Jouez au tennis, sortez vos pénis, faites briller le soleil comme si vous étiez à Tunis. Faites éclater les sourires, mettez-vous à courir, laissez les fous rire, je veux vous voir vous nourrir. Il était temps pour moi de partir, ne soyez pas triste, c'est une belle heure pour mourir. Je pars pour mille et une raisons, là où je vivrai toutes les saisons. Ce soir j'abandonne ma maison, j'irai m'allonger sous le buisson. Je quitte ma ville pour retrouver mon coin près du ruisseau, suivre son fil, et j'ai apaisé par le chant des oiseaux. Enfin tranquille, tranquille, où la nature écrit au pinceau. Ainsi soit-il, en sachant que je vous reverrai bientôt. Eh bien voilà les Rastas, c'était Taïro, ainsi soit-il. Allez, notre troisième artiste est Tania Stephens. Elle va chanter It's a Pity et vous allez voir, c'est une dinguerie aussi. Elle chante super bien et elle défonce tout. C'est parti. You already have a wife, and me don't have a man in my life. Good boy, it is a pity. I say it is a pity. You already have your wife, and me have a one man in my life. Good boy, it is a pity. I woulda liked one of these mornings to wake up and find your face on a pillow lying right next to mine. I woulda cut out the party and the smoking and the rum and bust a extra wine. I make we see the sun. Well, every time I fantasize, me see your lips, me see your eyes, your trigger finger.

they want big up them chest. But they don't know the tick up, but they are rated as the best. And wouldn't they love physician up all this? When I get up in a guy, you only girls with your request, just give me the girl them. Yo, in every minute, I'm with it, forget the girl them. Excuse it, and get them regular visits, just give me the girl them. Now them all a pressure, me sell it, last say, me, I did up for them, off it, be them big papa, give me the girl them. Off of the chronic, we take a drag, and I don't mean to brag. Every day I got to shag, give me the girl them. Every time I look in, my mind is only girls, I want to find out who my love them design. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still, I got to stick to my girls like glue, and I might not play number two. All I know the time it is getting jet. Need a lot of cheese. Everybody, up in my head. Give it to them. And a take it to them. Give it to them. Ready? Jump! Run the boat! Run the boat! Run the boat, you know. Run the boat now. Signal the plane on the signal the plane. Jump! Signal the plane on the signal the plane now. Parachute! Parachute! Parachute! Parachute now. Pon the river! Pon the bank! Pon the river! Pon the bank! Hey! Give them a run, you know. Give them a run, yo. Give them a run, you know. Give them a run, yeah. Give them a run, you know. Give them a run, yeah. Yeah! Yeah! Hey! Hey! Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still I got to stick to my girls like glue, and I might not play number two. All I know the time it is getting dread. Need a lot of cheese up in my head. Got a lot of damsel in my bed to run that real. Well I know flick a girl on motor road, them got the goody goody. Man take me off and tell them that they got the woody woody. Front way back way cutty came and off it show be showbiz. Virgin them want give me and me off it tooky tooky. Hot girl on motor road I say them see me see me. And I tell me say them have something for gimme gimme. How much time I night them all a dream about me Jimmy Jimmy. Them a promise and I tell me say a fimmy fimmy. But a promise is a comfort to a fool, so cool. But they don't know say that man a fi rule the school. When I pet them just wet them up just like a pool. When I dig get a rim me a fi use up me tool. Well I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still I got to stick to my girls like glue, and I might not play number two. All I know the time it is getting dread. Need a lot of cheese up in my head. Got a little damsel in my bed to run that real. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still I got to stick to my girls like. Eh bien voilà, mes Rasta Station Paul like glue. Allez, notre prochain artiste est franchement un truc que j'adore, c'est UB40, et il va chanter Red Red Wine. Vous allez voir, c'est juste une tuerie, je pense que tout le monde connaît, mais j'adore. C'est parti. It's up to you. bien, voilà mes Rasta, c'était UB40 Red Red Wine. Allez, notre prochaine artiste est Rihanna, elle va chanter Man Down, c'est une chanson que j'adore et que mon frère adore car il adore Rihanna. Du coup, bah je vais le passer et puis c'est parti quoi. Bien voilà Merasta, c'était Rihanna Man Down. Allez, notre dernier artiste est un artiste que je viens seulement de découvrir là, il y a très peu de temps. Il s'appelle Teiji. La chanson est Sapik et ça date de 2015 et je la découvre seulement en 2019. Oui, c'est bizarre mais c'est comme ça. C'est notre dernière musique, j'espère qu'elle va vous plaire. C'est parti, c'est maintenant sur Fadjet. Teiji, Teiji, Teiji. raconter l'histoire de Delice. Delice, c'est une fille qui aime les épices. Elle aime aussi les choses sucrées comme la réglisse. Avec elle, c'est le pays des merveilles comme Alice. Elle fait tourner la tête des gars comme une hélice. Elle te rend dépendante d'elle comme le cannabis. Quand j'ai fait un face à face avec sa paire de cuisses, tu veux savoir ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Ça pique, plus c'est bon. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Donc on fait monter la pression. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Ça pique, plus c'est bon. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Donc on fait monter la pression. Et oui c'est comme ça, elle aime les bons plats pimentés. Depuis toute jeune c'est comme ça qu'elle est alimentée. Elle aime le risque, oui par le danger elle est tentée. Mais à petite dose, elle fait attention à sa santé. Oui sans plaisanter, elle aime aussi expérimenter. Et elle n'a pas changé depuis qu'on me l'a présenté. True story, cette histoire je l'ai pas inventée. Si tu veux savoir ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Ça pique, plus c'est bon. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Donc on fait monter la pression. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Ça pique, plus c'est bon. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Donc, on fait monter la pression. Entre elle et moi, il n'existe plus de distance. Après l'entrée, voici le plat de résistance. Et elle regarde le menu avec insistance. Heureusement qu'au sport, je n'avais pas de dispense. Je la regarde, elle me regarde et c'est intense. On se fait plaisir, on regarde pas ce qu'on dépense. Elle a fait son choix et voici la récompense. Si tu veux savoir ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Ça pique, plus c'est bon. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Donc on fait monter la pression. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Ça pique, plus c'est bon. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Donc on fait monter la pression. Maintenant on fait place au dessert. Et c'est là que j'ai compris qu'elle était différente. En matière de gâterie, elle sait comment il fait. Elle a un gros appétit et elle en est fière. Pour un petit coup, elle n'a jamais d'horreur. Jamais rassasié pendant qu'elle opère. Encore un brand new pour toutes les commères. Si tu veux savoir ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Ça pique, plus c'est bon. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Donc on fait monter la pression. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Ça pique, plus c'est bon. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Donc on fait monter la pression. Plus ça pique, plus c'est bon. Ça pique, plus c'est bon. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Donc eh bien voilà mes Rastas, cette émission est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez passé un merveilleux moment, on se retrouve dimanche prochain à 21h sur Fadjet, sur ce je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous, une bonne soirée à tout le monde, et puis à la semaine prochaine.